Vous voulez toujours participer au Club des 144 et courir la chance de gagner un des 12 crédits voyage d'une valeur de 1 500 $? Au coût de 144 $, vous encouragez votre radio CKRL. Une chance sur 6 de gagner. Vous partez quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Je veux pas vous mettre de pression, mais faites vite. Ce message s'autodétruira dans 3 jours. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bienvenue à Web Music, c'est Simon Roy qui est avec vous pour la prochaine heure. Encore une fois, je vous ai trouvé plein de bonne musique gratuite que vous pouvez télécharger. Donc, si vous aimez les pièces, ben, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusic.org. Donc, vous avez les liens vers les artistes, vous avez la playlist de l'émission. Puis, j'ai toutes sortes de ressources aussi de musique gratuite. Donc, tout est là pour vous. Si vous voulez me rejoindre pendant l'émission, durant les pièces, vous pouvez m'appeler au 418-640-1586. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, on va débuter tout de suite avec un artiste qui est sur l'étiquette Noisy Vagabond Records. L'artiste s'appelle Transient. Je vais vous faire entendre deux pièces qui sont sur l'album Symphony of Curves. La première s'appelle You and Me. Ça va être suivi par Downtime. Vous écoutez Web Music. venez d'entendre deux pièces sur l'album Symphony of Curves. C'était Downtime, précédé par You and Me. C'est par l'artiste Transient sur l'étiquette Noisy Vagabond Recordings. Donc, une excellente étiquette. On poursuit avec des pièces qui sont sur l'album Holy Residence. C'est sur l'étiquette Buddha Beats, une étiquette qui nous vient de la Hongrie. L'artiste s'appelle Blessed House. On entend Intro Chap, ça va être suivi par Deb Collector. Ensuite de ça, un groupe, plutôt un artiste avec un nom assez intéressant qui s'appelle Mexican Changos. Je vous fais entendre sa pièce Dr. Exp. Donc ça, c'est sur l'étiquette Series Media. Pour tout de suite, Blessed House. You see, I rhyme, I'm speaking in time, but end up in a place that I can't find. I'm lost, eyeballs cross the mind's all searched, with knots in the hair of my wig that falls off. Distant thought locks whenever there's a mic on, fella that's a bygone, so let it be a bygone. Always wanna write wrong, so wrong when I write, with Kong on my side, I'm really on one tonight. On one tonight, man, I swear it's two. Bring more shit to shows in a thousand Portaloos. Pack shit like DJs, hot beats and MCs. And all these remedies we provide for free. Or a nominal fee, like donating to charity. In a moment of clarity, I let the rhyme carry me. Tragedy when drop calls, when the music stops. And like the Beeb's choice to cut top of the pops. Me and guests, we were born to write text. Try and take our pens and we'll scorch your guys' flesh. Walk and talk with type chest through disorganized mess. No support or live sets tends to leave us quite stressed. Mic check, one, two, shit I've gone wrong too. My stomach's feeling dodgy from that Hong Kong food. Had a one ton or two, then a pop a don and spew. Shit was rotten and wrong, I think it was dog food. Man, I shat mine out, fuck, there we go again. We'll stop with the topic, serious with a pen. Writing letters, little men, and solve all world peace. Then call myself Jesus in the shit that I preach. Speak tongue in cheek, take a run and leap. Across the Grand Canyon, I'll stand in my feet. Reap what I speak, in this case it could be nothing. I still rap for free, man, we do this for the love of it. Organized mess, a blessed house, bring the rotten shit. Keep it dirty like sex with the hottest bitch. And once my cock hits a cock six, I stop shift the camera so my boyfriend can watch it. The camera never lies, we'll document our lives by taking snapshots of drunken pricks on the mic. Rowdy kind of guys, they don't tend to carry knives. Catch a spitting knife and not a sign of fight. It's the narcoleptic insomniac. Man, I've hardly slept, still I often rap. Get lost in the map with top cat in a top hat. Spitting pop raps, I guess you better watch that. Or else what, you gonna burn me to death? Those like molten lava, aka dragon breath. I scored you guys flesh. Okay, chill man, you're next. Ready to roast bros at any contest. Been spitting shit since the littlest kid. And when I didn't spit, I still dribbled a bit. They call me Dibbles a kid, putting riddles in my script. Sinking a skinful with a lyric on my lip. With a lyric on my lip, spit back, phlegm hits. Run traps since kids, smash tracks with fibs. Neck tabs and trips with more straps in my ribs. Close to the edge, darted head first off cliffs. The kick in terror, it's a Cuban flip. Beating punk sound like Brand Nubian did. The solution is quick, if you're stupid at this. Try and make it funny, start using some wit. Like a comical twist, or just taking a piss. Infectious quick wit, like a comedy gimmick. Still go pound for pound, fire round for round. And lighting up the heavies at the back wearing brown. Knock on doors of what was yours and often more. Even if your house is locked like drawers, I'm entering at four. You best have my cash or I'm empty in your flat. I take your microwave in replacement for tax. Your TV, fax and phone, leave you on your jacks. I'll even free the cheese from the rats creeping on the mats. I'm not thieving, relax, it's just my occupation. I pull the plug when you're playing your PlayStation. Take the moss in your basement, the wok in your basin. Take the clock as I'm pacing, neighbours watch as I'm raiding. The lock pots on the pavement, eat your shallots and your raisin. Take the pot that you're blazing, pop the spots you're displaying. If it's hot, I'm still taking, happy to accept your decks. Only here collecting debts, even take neglected pets. Take your Gucci specs and don't do it with respect. Take your cleaning goods, your broom and hoover once you've swept. Call me the debt collector or call me the bailiff. The devil's advocate whose occupation is to take shit. Take shit, take shit, take shit, take shit, take shit. So you best pay quick. I take the biscuit, often on some sick shit. I'll even take the crutches from a little girl with rickets. Take out your slip disc just to make a quick quid. The bracelet, you think I missed it? Then I strip it from your kid's wrist and make you bottle what your dick's pissed. Even take your text predictive just for kicks. It's my everyday life, I just take what I like. Even tape up your wife and make her stay by my side. Take your days, take your nights, take the blades from your knife. Take the shade, take the light, take the pages you write. And I just say it's alright, it's just my job description. Take the pot you're pissing, half your crockery is missing. Never stopping blitzing, all these houses for goods. And if you're bitching, I'll take your trousers and hoods. Your socks and your shoes, you're just watching confused. Take the baby and the cot, grab the lot and make a move. Call me the debt collector or call me the bailiff. The devil's advocate whose occupation is to take shit. Take shit, take shit, take shit, take shit, take shit. So you best pay quick. Call me the debt collector or call me the bailiff. The devil's advocate whose occupation is to take shit. Take shit, take shit, take shit, take shit, take shit. So you best pay quick. Intermède électronique, c'était Mexican Changos, la pièce Dr. Exp. Donc, c'est sur l'étiquette Series Media. Mexican Changos, qui vient de la Colombie. Avant ça, ben, c'était l'excellent groupe Blessed House. C'est un groupe qui vient du Royaume-Uni. On avait entendu Deb Collector, puis c'était précédé par Intro Cha. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Holy Residence. C'était sur l'étiquette Buddha Beats, une étiquette qui vient de la Hongrie. Pour poursuivre l'émission Web Music, on va entendre un artiste qui est sur l'excellente étiquette Dusted Wax Kingdom. Je vous en fais souvent passer à l'émission. J'adore ce net label. Donc, on va entendre Mr. Moods qui vient de Laval. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur son album Remixed and Revamped LP. Donc, on va débuter avec I Spend My Days, puis ça va être suivi par Flamethrower Mood. Donc, pour tout de suite, on entend Mr. Moods. This should be played at high volume. Follow the bouncing bass. Thank you. C'était Mr. Moods avec sa pièce Flamethrower Mood. Avant ça, c'était I Spend My Days, donc deux pièces qui se retrouvent sur son album Remixed and Revamped LP. C'est Mr. Moods, donc, sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, une excellente étiquette qui nous vient de la Bulgarie. Je vous rappelle que les pièces que vous avez entendues à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger ou il y a l'émission au complet aussi qui est disponible en balado-diffusion. Donc, en podcast, si vous préférez, vous pouvez vous enregistrer. Si vous avez iTunes, vous vous rendez sur la page, puis vous avez juste à cliquer, puis vous êtes inscrit automatiquement avec votre logiciel iTunes. Donc, je vous rappelle l'adresse, c'est au www.webmusique.org. On va faire une courte pause et on revient par la suite. Voici des témoignages de gagnants du Club des 144 de 2008. Alors, Richard, qu'avez-vous fait avec votre crédit voyage d'une valeur de 1 500 $ à l'agence de voyage Solange Goulet? J'ai enfin pu découvrir le secret d'une bonne bière noire maltée à l'usine de Guinness à Dublin. Ah. Et vous, Nathalie,

C'était la pièce Yesterday's Guitar Heroes par Panic Phobia. C'était sur l'étiquette WM Recordings, une excellente étiquette qui vient des Pays-Bas. Avant ça, c'était Copenhagen, un groupe qui nous vient de l'Italie. La pièce s'appelait Shine the Lights Out. Donc, c'était sur l'étiquette Rack and Rune Records, une étiquette qui ont pas mal de matériel intéressant. Je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Pour poursuivre l'émission, ben, on va entendre des artistes qui sont sur l'étiquette Lost Children. C'est une étiquette qui donne dans la musique un peu space rock, toujours un peu planant. Donc, on va entendre pour débuter Stellar Drive, un groupe qui vient de la France. Je vous fais entendre la pièce Conversation, puis ça va être suivi par Sidearm, la pièce House Away. Vous écoutez Web Music. Thank you. pièce House Away par Sidearm. C'était précédé par le groupe français Stellar Drive, la pièce Conversation. Donc, deux artistes qui se retrouvent sur l'étiquette Lost Children. Pour terminer l'émission, je vous propose deux pièces du groupe de Transistors. C'est un groupe New Wave italien. Donc, c'est sur l'étiquette AF Music, une étiquette qui est allemande. On va entendre deux pièces des Transistors. La première s'appelle Under Control. C'est une pièce tirée de l'album qui porte le même nom, donc qui s'appelle Under Control. Puis, en dessous de ça, la pièce que je vous fais passer s'appelle Electromagnetic New Wave. Donc, c'est un groupe que j'aime vraiment. C'est assez entraînant comme musique, vous allez voir, donc de Transistors. C'était la pièce Electromagnetic New Wave, précédée par Under Control, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Under Control par l'excellent groupe italien de Transistors, donc sur l'étiquette AF Music, qui est une étiquette qui nous vient de l'Allemagne, qui a vraiment beaucoup de matériel intéressant. Donc, ben, c'est tout pour Web Music. Je vous rappelle que les pièces que vous avez entendues ce soir, et comme à l'habitude à toutes les émissions, donc c'est possible de les télécharger gratuitement. Pour ça, rien de plus facile, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusic.org. Vous avez accès donc à un peu plus d'informations sur les artistes, les net labels, puis vous pouvez télécharger les pièces, puis ben si vous les aimez vraiment, pourquoi pas acheter un de leurs albums. Souvent c'est vraiment, mais vraiment pas cher, même si ça vient de loin. Donc c'est des gens qui font de la musique un peu plus pour l'amour de la musique que l'amour de l'argent. Donc, c'est tout pour Web Music. Ça va être Jason Vlasak qui va suivre avec Jazzimus Actuel. Je vous invite à rester sur les ondes de CKRL. Tout pour Web Music. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h30 pour une autre émission de Web Music. Bonsoir. Les Nuits en Musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Mazzini. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marco. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world, les jeudis Britpop et post, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24h sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. Vous voulez toujours participer au Club des 144 et courir la chance de gagner un des 12 crédits voyage d'une valeur de 1 500 $? Au coût de 144 $, vous encouragez votre radio CKRL. Une chance sur 6 de gagner. Vous partez quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Je veux pas vous mettre de pression, mais faites vite. Ce message s'autodétruira dans 3 jours. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là. Il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval, disponible gratuitement tous les mardis. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.